tu t'en vas dans un pays voir un ami dont tu t'ennuies, tu croises une fille, t'es ton amour, c'est pour toujours. Tu penses jamais qu'elle peut partir, tu peux souffrir quand t'es un bum, quand c'est les autres qui te chantent la pomme. Sur un bateau, autour d'une île, tu caresses l'âme, tu crouses le cœur, c'est ton bonheur et c'est ta peur, nage dans l'erreur. Tu coules à pic dans la détresse, car ta maîtresse tourne à bâbord, t'es à tribord, ton chien est mort. Au secours, au secours. Je veux ma jeunesse, je veux mon amour, je veux ma princesse, je veux ma traîtresse, je veux ma prêtresse, je veux ton adresse. Je veux ta photo, je veux un petit mot où tu dirais que je suis bien beau. Deux becs dans le dos, ça me soulagerait. Quand je pense à toi, je dis que c'était bien beau, que c'était bien gros. Histoire d'amour comme on voit pas à tous les jours. Je ne respire plus la vie depuis que t'es parti, c'était le bouche à bouche, une pêche à mouche, où ce que mon cœur t'avait fait peur. Puis t'es parti sans que je t'aie dit merci.